Section 7 de Famille sans nom par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1, chapitre 7 de Québec à Montréal. À minuit, le cotre avait déjà gagné quelques milles en amont. Au sein de cette nuit, éclairée par la lumière de la pleine lune, Pierre Archer manœuvrait avec sûreté. Bien qu'il dût courir, débordé d'une rive à l'autre, car le vent soufflait de l'ouest à l'état de fraîche brise. Le Champlain ne s'arrêta qu'un peu avant le lever de l'aube. De légères brumes noyaient alors les larges prairies au-delà des deux berges. Bientôt, les têtes d'arbres, groupées à l'arrière-plan, émergèrent de ces vapeurs que le soleil commençait à dissoudre, et le cours du fleuve redevint visible. Nombre de pêcheurs étaient déjà à la besogne, traînant leurs filets et leurs lignes à la remorque de ces petites embarcations qui n'abandonnent guère le haut cours du Saint-Laurent ou ses affluents de droite et de gauche. Le Champlain alla se perdre au milieu de cette flottille, livré à ses occupations matinales entre les rives des comtés de Portneuf et de Lotbinière. Les frères Archer se mirent aussitôt au travail, après avoir jeté l'ancre du côté septentrional. Il leur fallait quelques mannes de poissons afin de l'aller vendre dans les villages dès que le flot permettrait de remonter le fleuve, malgré le vent contraire. Pendant la pêche, des canots d'écorce vinrent accoster le Champlain. C'étaient deux ou trois de ces légers skiffs que l'on peut mettre sur l'épaule lorsqu'il s'agit de franchir les portages, c'est-à-dire l'espace pendant lequel un cours d'eau est rendu innavigable, par les roches qui l'obstruent, les chutes ou sauts qui le barrent, les rapides ou tourbillons qui troublent si fréquemment les rivières canadiennes. Les hommes de ces canots étaient de race indienne pour la plupart. Ils venaient acheter du poisson, qu'ils transportaient ensuite dans les bourgades et villages de l'intérieur, où leurs embarcations pénétraient par les multiples rios du territoire. À diverses reprises, pourtant, ce furent des Canadiens qui vinrent accoster le Champlain. Ils s'entretenaient pendant quelques minutes avec Jean, avec quoi ils regagnaient la rive afin d'accomplir la mission dont ils s'étaient chargés. Ce matin-là, si les frères Archer n'eussent cherché dans la pêche que le gain ou le plaisir, leurs vœux auraient été amplement satisfaits. Filets et lignes firent merveille en capturant brochets, perches, perchottes et ces espèces si abondantes dans les eaux canadiennes, masquinongis, touradis, dont on est très friand dans le Nord-Amérique. Ils prirent aussi quantité de ce poisson blanc que les gourmets apprécient pour sa chair excellente. Il serait donc fait bon accueil aux pêcheurs du Champlain dans les habitations riveraines, et c'est ce qui arriva. Ils étaient favorisés, d'ailleurs, par un temps magnifique, ce temps spécial, pour ainsi dire, à l'heureuse et incomparable vallée du Saint-Laurent. Quel délicieux aspect que celui des campagnes avoisinantes, depuis les berges du fleuve jusqu'au pied de la chaîne des Laurentides. Suivant la poétique expression de Fenimore Cooper, elles n'en étaient que plus belles pour avoir revêtu leur livrée d'automne, la livrée verte et jaune des derniers beaux jours. Le Champlain gagna d'abord la lisière du comté de Portneuf, sur la rive gauche. Dans la bourgade de ce nom, comme dans les villages de Sainte-Anne, de Saint-Stanislas, on fit des affaires. Peut-être, sur certains points, le Champlain laissa-t-il plus d'argent qu'il n'en reçut pour les produits de sa pêche, mais les frères Archer ne songeaient pas à s'en plaindre. Pendant les deux jours suivants, Jean navigua ainsi, d'une rive à l'autre. Dans le comté de Lotbinière, sur la rive droite, à Lotbinière et à Saint-Pierre-les-Bosquets, dans le comté de Champlain, sur la rive opposée, à Batiscan, ensuite sur l'autre bord, à Gentilly, à Doucette, les principaux réformistes reçurent sa visite. Ce fut même l'un des personnages les plus influents de Nicolet, dans le comté de ce nom, M. Aubineau, juge de paix et commissaire des petites causes du district, qui se mit en rapport avec lui. Là aussi, comme à Québec, Jean apprit que l'abbé Joan venait de parcourir les paroisses, où ses prédications avaient enflammé les esprits. M. Aubineau, lui ayant parlé des munitions et des armes, qui faisaient le plus généralement défaut, « Vous en recevrez prochainement, » répondit-il. « Un train de bois a dû partir de Montréal la nuit dernière, et il ne peut tarder à arriver, avec fusil, poudre et plomb. Vous serez donc armé à temps. Mais ne vous levez pas avant l'heure. En outre, si cela était nécessaire, vous pourriez entrer en communication avec le comité de la Villa Montcalm dans l'île Jésus et correspondre avec son président. Monsieur de Vaudreuil ? Lui-même. C'est entendu. Ne m'avez-vous pas dit, reprit Jean, que l'abbé John avait passé par Nicolet ? Il était ici, il y a 6 jours. Savez-vous où il est allé en vous quittant ? Dans le comté de Verchères, et il doit, si je ne me trompe, se rendre ensuite dans le comté de la Prairie. Sur ce, Jean prit congé du juge de paix et rentra à bord du Champlain, au moment où les frères Archer y revenaient, après avoir vendu leurs poissons. Le fleuve fut alors obliquement traversé dans la direction du comté de Saint-Maurice. À l'embouchure de la rivière de ce nom s'élève l'une des plus anciennes bourgades du pays, la bourgade des Trois-Rivières, au débouché d'une vallée fertile. À cette époque, on venait d'y créer une fonderie de canons, dirigée par une société franco-canadienne et qui n'occupait que des ouvriers franco-canadiens. C'était là un centre anti-loyaliste que Jean ne pouvait négliger. Le Champlain remonta donc pendant plusieurs milles le cours du Saint-Maurice, et le jeune patriote se mit en relation avec les comités institués dans les paroisses. Il est vrai, cette fonderie, de création récente, se trouvait encore dans la période d'organisation. Quelques mois plus tard, peut-être les réformistes auraient-ils pu s'y fournir de ces bouches à feu dont ils étaient malheureusement privés. Il était possible, cependant, à la condition que l'on travaillât jour et nuit, qu'ils fussent en mesure d'opposer à l'artillerie des troupes royales les premiers canons fondus à l'usine de Saint-Maurice. Jean eut un très important entretien à ce sujet avec les chefs des comités. Que quelques-unes de ces pièces fussent fabriquées à temps et les bras ne manqueraient pas pour les servir. En quittant les Trois-Rivières, le Champlain longea à gauche la rive du comté de Masquinongé, relâcha la petite ville de ce nom, puis déboucha, la nuit du 24 au 25 septembre, dans un assez large évasement du Saint-Laurent, qu'on appelle le lac Saint-Pierre. Là se développe, en effet, une sorte de lac, long de 5 lieues, limité en amont par une série d'îlots qui s'étendent depuis Berthier, bourgade du comté de ce nom, jusqu'à Sorel, appartenant au comté de Richelieu. En cet endroit, les frères Archer tendirent leurs filets, ou plutôt les mirent à la traîne, et servis par le courant, ils continuèrent à remonter le fleuve sous petite vitesse. D'épais nuages couvraient le ciel, et l'obscurité était assez profonde pour qu'il fût impossible d'apercevoir les rives dans le nord et dans le sud. Un peu après minuit, Pierre Archer, de garde à l'avant, aperçut un feu qui brillait en amont du fleuve. « C'est sans doute le fanal d'un navire en dérive, » dit Rémy, qui avait rejoint son frère. « Attention au filet !» répliqua Jack. « Nous en avons 30 brasses dehors, et il serait perdu si ce navire nous tombait en travers. » « Eh bien, gagnons sur tribord, » dit Michel. « Dieu merci, l'espace ne manque pas. »« Non, » répondit Pierre. « Mais le vent refuse, et nous allons dériver. Il vaudrait mieux haler nos filets, » fit observer Tony. « Ce serait plus sûr. »« Oui, et ne perdons pas de temps, » répliqua Rémy. Les frères Archer se préparaient à rentrer leurs engins à bord, lorsque Jean dit « Êtes-vous certain que ce soit un navire qui se laisse aller au courant du fleuve ?»« Je ne sais pas trop, » répondit Pierre. « En tout cas, il s'approche lentement, et son feu est placé bien au ras de l'eau. »« C'est peut-être une cage, » dit Jacques. « Si c'est une cage, » répliqua Rémy, « raison de plus pour l'éviter. Nous ne pourrions nous en débrouiller. Allons, halle à bord !» En effet, le Champlain eût risqué de compromettre ses filets si les frères Archer ne se fussent hâtés de les ramener, sans même prendre le temps de dégager le poisson pris dans leur maille. Il n'y avait pas un instant à perdre, car le feu signalé ne se trouvait pas à plus de 2 encablures. On appelle cage, en Canada, des trains de bois composés de 60 à 70 cribs, c'est-à-dire de sections, dont l'ensemble comprend au moins 1000 pieds cubes. À partir du jour où la débâcle rend le fleuve à la navigation, nombre de ces cages le descendent vers Montréal ou Québec. Elles viennent de ces immenses forêts de l'Ouest, qui forment une des inépuisables richesses de la province canadienne. Qu'on se figure un assemblage flottant, émergeant de 5 à 6 pieds, comme un énorme ponton sans mât. Il est composé de troncs, qui ont été équarris sur les lieux mêmes, par la hache du bûcheron, ou débité en madrier et en planche par les scieries établies aux chutes des chaudières sur la rivière Outaouais. De ces trains, il en descend ainsi des milliers depuis le mois d'avril jusqu'au milieu d'octobre, évitant les sauts et les rapides au moyen de glissoires construites sur le fond d'étroits canaux à forte pente. Si quelques-unes de ces cages s'arrêtent à Montréal pour fournir au chargement des bâtiments qui les transportent dans les mers d'Europe, la plupart dérivent jusqu'à Québec. Là est le centre de ces exploitations forestières, dont le rendement se chiffre chaque année par 25 à 30 millions de francs au profit du commerce canadien. Il va de soi que ces trains de bois ne peuvent que gêner la navigation du fleuve, surtout lorsqu'ils s'engagent à travers les branches intermédiaires dont la largeur est souvent médiocre. Abandonné au courant jusant, tant qu'il dure, il est à peu près impossible de les diriger. C'est donc aux bâtiments, embarcations de pêche ou autres, de s'en garer, s'ils veulent ne point risquer des abordages qui leur causeraient de très graves avaries. On le comprend, les frères Archie ne devaient pas hésiter à ramener leurs filets, jeter sur le passage la cage, que l'accalmie les empêchait d'éviter. Jacques ne s'était point trompé. C'était une cage qui descendait le fleuve. Un feu, placé à l'avant, indiquait la direction qu'elle suivait. Elle n'était plus qu'à une vingtaine de brasses, lorsque le Champlain eut fini de haler ses filets. En ce moment, dans le silence de la nuit, une voix timbrée entonna cette vieille chanson du pays, qui est devenue, ainsi que le fait remarquer M. Réveillot, un vrai chant national. Il faut le dire, plutôt par l'air que par les paroles. Dans le chanteur, qui n'était autre que le patron de la cage, il était facile de reconnaître un Canadien d'origine française, rien qu'à son accent et à la façon très ouverte dont il prononçait les diphtongues « et il chantait ceci. « En revenant des noces, j'étais bien fatigué, à la claire fontaine, j'allais me reposer. » Sans doute, Jean reconnut la voix du chanteur, car il s'approcha de Pierre Archer, au moment où le Champlain abattait avec ses avirons pour éviter la cage. « Accoste, lui dit-il. « Accosté, répondit Pierre. « Oui, c'est Louis Lacasse. « Nous allons dériver avec lui. « 5 minutes, au plus, répondit Jean. « Je n'ai que quelques mots à lui dire. » En un instant, Pierre Archer, après avoir donné un coup de barre, eut rangé le flanc du train de bois, où le Champlain fut amarré par l'avant. Le marinier, voyant cette manœuvre, avait interrompu sa chanson et crié « Hé, du Cotre, prenez garde !»« Il n'y a pas de danger, Louis Lacasse, » répondit Pierre Archer, « c'est le Champlain !» Dambon, Jean venait de sauter sur le train de bois, et avait rejoint le patron, qui lui dit, dès qu'il l'eut reconnu à la lueur du fanal, « À vous rendre mes devoirs, monsieur Jean. Merci, Lacasse. Je comptais vous rencontrer en route, et j'étais même décidé à espérer le Champlain à mon prochain mouillage pendant le flot. Mais puisque vous voilà... »« Tout est à bord, » demanda Robert. « Tout est à bord, caché sous les madriers et entre les poutres. » »« C'est joliment arrimé, je vous assure, » ajouta Louis Lacasse en tirant son bas de feu pour allumer sa pipe. « Les douaniers sont-ils venus ?»« Oui, à Verchères. Ces manières de gabelous sont restés là à bavasser pendant une demi-heure. Ils n'ont rien vu. C'est comme si c'était enfermé dans une boîte. » Louis Lacasse prononçait le mot « boîte » comme il avait dit « devoir », ainsi que cela se fait encore dans certaines provinces de France. « Combien ?» demanda Jean. « 200 fusils. »« Et de sabres ?»« 250. »« Ils viennent ?»« Du Vermont. » Nos amis les Américains ont bien travaillé, et ça ne nous a pas coûté cher. Seulement, ils ont eu quelque peine à transporter la cargaison jusqu'au fort Ontario, où nous en avons pris livraison. Maintenant, plus de difficultés. Et les munitions? 3 tonneaux de poudre, et quelques milliers de balles. Si chacune tue son homme, il n'y aura bientôt plus un seul habit rouge en Canada. Ils seront donc mangés par les mangeux de guernouilles, comme on nous appelle, entre anglo-saxons. « Tu sais maintenant, » demanda Jean, « à quelle paroi sont destinées les munitions et les armes ?»« Parfaitement, » répondit le marinier, « et ne craignez rien. Pas de danger d'être surpris. » pendant la nuit, au plus bas de la marée, je mouillerai ma cage, et des canots viendront, de la rive, crier chacun de leur part. Seulement, je ne descends pas plus bas que Québec, où je dois charger mes bois à bord du Moravian à destination de Hambourg. « C'est entendu, » répondit Jean. « Avant Québec, tu auras livré tes derniers fusils et ton dernier tonneau de poudre. » « Ça ira bien alors. »« Dis-moi, Louis Lacasse, tu es sûr des hommes qui sont embarqués avec toi ?»« Comme de moi-même. »« Des vrais Jean-Baptiste. » Note de l'auteur. Nom qui est souvent donné aux franco-canadiens des campagnes. Fin de la note. Et quand il s'agira de faire le coup de feu, je ne crois pas qu'il reste en arrière. Louis Lacasse disait « arrière », probablement parce qu'on dit « derrière » et non « d'arrière ». Jean lui remit alors une certaine quantité de piastres que le brave marinier fit tomber, sans compter, dans la poche de sa large vareuse. Puis, de vigoureuses poignées de main furent échangées avec l'équipage du Cotre. Jean reprit place alors à bord du Champlain, qui s'éloigna vers la rive gauche. Et, tandis que le train de bois continuait à dériver en aval, on put entendre la voix sonore de Louis Lacasse qui reprenait. « À la claire fontaine, j'allais me promener. » Une heure après, la brise revint avec la marée montante. Le Champlain s'engagea entre ces nombreux îlots qui limitent le lac Pierre, et ayant longé successivement le littoral des comtés de Joliette et de Richelieu, situés en face l'un de l'autre, il fit escale aux villages riverains du comté de Montcalm et du comté de Verchères, dont les femmes s'étaient si courageusement battues à la fin du XVIIe siècle pour défendre un fort attaqué par les sauvages. Tandis que le Cotre stationnait, Jean rendit visite au chef réformiste et put s'assurer par lui-même de l'esprit des habitants. Plusieurs fois, on lui parla de gens sans nom, dont la tête avait été mise à prix. Où était-il actuellement? Reparaîtrait-il lorsque la bataille serait engagée? Les patriotes comptaient sur lui. En dépit de l'arrêté du gouverneur général, il pouvait venir sans crainte dans le comté. Et là, pour une heure, comme pour 24, toutes les maisons lui seraient ouvertes. Devant ces marques d'un dévouement qui aurait été jusqu'au dernier sacrifice, Jean se sentait profondément ému. Oui, il était attendu comme un messie par la population canadienne. Et alors, il se bornait à répondre « Je ne sais où est Jean sans nom, mais, le jour venu, il sera là où il doit être. » Vers le milieu de la nuit du 26 au 27 septembre, le Champlain avait atteint la branche méridionale du Saint-Laurent qui sépare l'île de Montréal de la rive sud. Le Champlain touchait alors au terme de son voyage. Dans quelques jours, les frères Archie allaient le désarmer pour la saison d'hiver qui rend impraticable la navigation du fleuve. Puis, Jean et eux regagneraient le comté de la Prairie, à la ferme de Chipogan, où toute la famille du fermier se trouverait réunie pour les fêtes du mariage. Entre l'île Montréal et la rive droite, le bras du Saint-Laurent est formé de rapides que l'on peut considérer comme l'une des curiosités du pays. En cet endroit se développe une sorte de lac, semblable au lac Saint-Pierre, où le Champlain avait rencontré la cage du patron Louis Lacasse. On l'appelle le Haut de Saint-Louis, et il est situé en face de la Chine, petite bourgade bâtie en amont de Montréal, qui est un lieu de villégiature très recherché des Montréalais. C'est comme une mer tumultueuse dans laquelle se déversent les eaux d'une des branches de l'Outaouais. D'épaisses forêts hérissent encore la rive droite, autour d'un village d'Iroquois christianisé, le Kanawaga, dont la petite église dresse sa modeste flèche hors du massif de verdure. En cette partie du Saint-Laurent, si la remontée est très difficile, la descente risque de se faire plus facilement qu'on ne le voudrait peut-être, puisqu'il suffirait d'un faux coup de barre pour jeter une embarcation à travers les rapides. Mais les mariniers, habitués à ces dangereuses passes, les pêcheurs surtout, qui viennent prendre là des aloses par myriades, sont très habiles à manœuvrer au milieu de ces eaux furieuses. À la condition de ranger la berge méridionale du fleuve et de se haler à la cordelle, il n'est point impossible d'atteindre la prairie, chef-lieu du comté de ce nom, où le Champlain avait coutume d'hiverner. Vers le milieu du jour, Pierre Archer se trouvait un peu en aval du bourg de la Chine. D'où vient ce nom, qui est celui du vaste empire asiatique, tout simplement des premiers navigateurs du Saint-Laurent. Arrivés dans le voisinage du pays des Grands Lacs, ils se crurent sur le littoral de l'océan Pacifique, et par conséquent, non loin du royaume des Célestes. Le patron du Champlain manœuvra donc de manière à rallier la rive droite du fleuve. Il l'atteignit vers 5 heures du soir, à peu près sur la limite qui sépare le comté de Montréal du comté de la Prairie. Ce fut en ce moment que Jean lui dit « Je vais débarquer, Pierre. » « Tu ne viens pas avec nous jusqu'à la Prairie ?» répondit Pierre Archer. « Non, il est nécessaire que je visite la paroisse de Chambly. Et, en débarquant à Kanawaga, j'aurai moins de chemin à faire pour y arriver. » « C'est risqué beaucoup, » fit observer Pierre. « Et je ne te verrai pas t'éloigner sans inquiétude. Pourquoi nous quitter, Jean ? Reste encore 2 jours, et nous partirons tous ensemble, après le désarmement du Champlain. »« Je ne puis, » répondit Jean. « Il faut que je sois à Chambly, cette nuit même. »« Veux-tu que 2 de nous t'accompagnent ?» demanda Pierre Archer. « Non, il vaut mieux que je sois seul. »« Et tu resteras à Chambly ?»« Quelques heures seulement, Pierre. » Et je compte en repartir avant le jour. » Comme Jean ne paraissait pas désireux de s'expliquer sur ce qu'il allait faire dans cette bourgade, Pierre Archer n'insista pas, et se contenta d'ajouter « Devons-nous t'attendre à la Prairie ? C'est inutile. Faites ce que vous avez à faire, sans vous inquiéter de moi. » « Alors, nous nous retrouverons ?»« À la ferme de Chipogan. Tu sais, reprit Pierre, que nous devons y être tous pour la première semaine d'octobre. » « Je le sais. » « Ne manque pas d'être là, Jean. Ton absence ferait beaucoup de peine à mon père, à ma mère, à tous. On nous attend à Chipogan pour une fête de famille. Et, puisque tu es devenu notre frère, il faut que tu sois là, pour que la famille soit au complet. »« J'y serai, Pierre. » Jean serra la main des fils Archer. Puis, il descendit dans la cabine du Champlain, revêtit le costume qu'il portait le jour de sa visite à la Villa Montcalm, et prit congé de ses braves compagnons. Un instant après, Jean sauta sur la berge, et après un dernier « au revoir », il disparut sous les arbres, dont les masses profondes entourent le village iroquois. Pierre, Rémy, Michel, Tony et Jacques se remirent aussitôt à la manœuvre. Ce ne fut pas sans de grands efforts, de rudes fatigues, qu'ils parvinrent à aller leur bateau contre le courant, en profitant des remous qui se formaient au revers des pointes. À 8 heures du soir, le Champlain était solidement amarré dans une petite crique au pied des premières maisons du bourg de la Prairie. Les frères Archer avaient achevé leur campagne de pêche, après avoir, pendant 6 mois et sur 200 lieues de parcours, remonté et descendu les eaux du grand fleuve. Fin de la section 7.